Entre le spectre. Hamlet. Un roi de chiffon et de tréteau. Sauvez-moi et couvrez-moi de vos ailes, vous, céleste garde. Au spectre. Que voulez-vous, gracieuse figure? La reine. Hélas, il est fou. Hamlet. Ne venez-vous pas gronder votre fils tardif de différer, en laissant périmer le temps et la passion, l'importante exécution de vos ordres redoutés? Oh, dites. Le spectre. N'oublie pas. Cette visitation n'a pour but que déguiser ta volonté presque émoussée. Mais regarde, la stupeur accable ta mère. Oh, interpose-toi dans cette lutte entre elle et son âme. Plus le corps est faible, plus la pensée agit fortement. Parle-lui, Hamlet. Qu'avez-vous, madame? Hélas, qu'avez-vous vous-même? Pourquoi vos yeux sont-ils fixés dans le vide? Échangez-vous des paroles avec l'air impalpable? Vos esprits regardent avec effarement par vos yeux, et, comme des soldats réveillés par l'alarme, vos cheveux, excroissances animées, se lèvent de leur lit et se dressent. Ô mon gentil fils, jette sur la flamme brûlante de ta fureur quelques froides gouttes de patience. Que regardez-vous? Lui, lui, regardez comme sa lueur est pâle. Une pareille forme, prêchant une pareille cause à des pierres, les rendrait sensibles. Au spectre, ne me regardez pas, de peur que l'attendrissement ne change ma résolution opiniâtre. L'acte que j'ai à faire perdrait sa vraie couleur, celle du sang pour celle des larmes. À qui dites-vous ceci? Ne voyez-vous rien là? Rien du tout. Et pourtant je vois tout ce qui est ici. N'avez-vous rien entendu? Non, rien que nos propres paroles. Tenez, regardez là. Voyez comme il se dérobe. Mon père, vêtu comme de son vivant. Regardez, le voilà justement qui franchit le portail. Le spectre sort. Tout cela est forgé par votre cerveau. Le délire a le don de ses créations fantastiques. Hamlet, le délire. Mon pouls, comme le vôtre, bat avec calme et fait sa musique de santé. Ce n'est point une folie que j'ai proférée. Voulez-vous en faire l'épreuve? Je vais tout vous redire. Un fou n'aurait pas cette mémoire. Mère, au nom de la grâce, ne versez pas en votre âme le baume de cette illusion que c'est ma folie qui parle, et non votre faute. Vous ne feriez que fermer et cicatriser l'ulcère, tandis que le mal impur vous minerait tout intérieurement de son infection invisible. Confessez-vous au ciel, repentez-vous du passé, préparez l'avenir, et ne couvrez pas les mauvaises herbes d'un fumier qui les rendra plus vigoureuses. Pardonnez-moi ces paroles, ô ma vertu, car, au milieu d'un monde devenu poussif à force d'engraisser, il faut que la vertu même demande pardon au vice, il faut qu'elle implore à genoux la grâce de lui faire du bien. Ô Hamlet, tu m'as brisé le cœur en deux. Ô mère, rejetez-en la mauvaise moitié et vivez, purifiez avec l'autre. Bonne nuit. Mais n'allez pas au lit de mon oncle. Affectez la vertu, si vous ne l'avez pas. L'habitude, ce monstre qui dévore tout sentiment, ce démon familier, est un ange, en ceci que pour la pratique des belles et bonnes actions, elle nous donne aussi un froc, une livrée facile à mettre. Abstenez-vous cette nuit. Cela rendra un peu plus aisé l'abstinence prochaine. La suivante sera encore plus aisée encore, car l'usage peut presque changer l'empreinte de la nature. Il peut dompter le démon ou le rejeter avec une merveilleuse puissance. Encore une fois, bonne nuit. Et quand vous désirerez pour vous la bénédiction du ciel, je vous demanderai la vôtre. Montrant Polonius. Quant à ce seigneur, j'ai dû repentir. Mais les cieux ont voulu nous punir tous deux, lui par moi, moi par lui, en me forçant à être leur ministre et leur fléau. Je me charge de lui, et je suis prêt à répondre de la mort que je lui ai donnée. Allons, bonne nuit encore. Il faut que je sois cruel, rien que pour être humain. Commencement douloureux. Le pire est encore à venir.